nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerriou Arvué, l'émission 374, Trivande oui. Perzek à Trihugen. Matri. Oh, super. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un mot qu'on entend souvent à la radio et qui est pas forcément compris par tout le monde parce que c'est pas un néologisme, hein, c'est un très vieux mot, mais il était pas forcément employé dans le breton populaire. Hein, c'est diel. Diel, et on entend pratiquement, alors c'est un mot qu'on entend pratiquement toujours au pluriel, un dielou, hein, puisque diel, ça désigne un document, et des dielou, ce sont des archives. Et donc, on entend souvent ce mot-là dans les émissions, en braison de vraiment, quoi, mm-hmm. hein, dans le breton d'aujourd'hui, hein. Donc ce vieux mot est revenu à la surface, en fait, il est souvent employé. Donc, dielou, donc, document. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un mot d'origine latine, en fait. Donc, ça vient du latin titulus, hein, qui voulait dire une inscription, et qui a donné, par exemple, en italien, titolo. Là, c'est resté très proche du mot initial en latin. Et en français, alors, en ancien français, c'était titre, avec un L, un peu comme en anglais, hein, title, hein. Et en italien, d'ailleurs, c'est pareil, le L est resté, et en français, il est devenu R. Et c'est devenu un titre. Alors, titre, il y a plusieurs sens, en fait, hein, du mot titre. Il y a, bien sûr, par exemple, on dit le titre d'un article, c'est une phrase qui, ou un certain nombre de mots qui résument, en fait, le contenu de ce qu'on va lire. Mais c'est aussi, par exemple, plus proche du breton, c'est un titre de propriété. Donc là, c'est un document, en fait, qui permet de savoir que quelqu'un est propriétaire d'un bien. Hein, voilà. Alors, en breton, c'est un mot féminin, diel, D-I-E-2-L, hein, qui désigne, en fait, un document, un acte administratif. Et comme je le disais tout à l'heure, il est généralement employé au pluriel, dielou, dans le sens des archives. Alors on entend souvent ça, hein, dans les, par exemple, mirudun dielou, hein, conserver les archives, hein, digorin dielou, ouvrir les archives, mm-hmm. hein, puisque bon, il y a un délai de prescription pour toutes les archives, donc à un moment donné, elles sont ouvertes, 50 ans ou 100 ans, enfin ça mm-hmm. dépend du délai. Et alors on va avoir plusieurs types d'archives, hein. Par exemple, les plus proches de nous, c'est les archives de la commune, hein, dielou urbarus, hein, où on va avoir les actes, en particulier l'état civil, hein, mariage, naissance, les mariages, les naissances et les décès. Hein. Alors avant la Révolution, c'est les registres paroissiaux qui, en général, sont pas conservés dans les mairies, qui sont conservés donc dans les archives départementales. Mais il y a certaines mairies qui ont gardé, parce que les registres paroissiaux étaient en deux exemplaires, donc il y a certaines mairies qui ont conservé encore des registres paroissiaux d'avant la Révolution. Voilà. Alors il y a aussi, bien sûr, les archives du département, hein, diel ou un département, les archives régionales, hein, les archives de l'évêché, par exemple, qui sont très riches, hein, mais il faut montrer patte blanche, hein, diel ou un escopti, hein. Voilà. Alors dans le breton populaire, on parle souvent de papériukos, hein. Chercher dans les vieux papiers, quoi. Hein. Voilà. Alors d'autres expressions, lacadurs bandielu, mettre de l'ordre dans les archives. Ça a parfois été fait d'une façon un peu excessive, hein, malheureusement. On peut dire aussi distrujendielu. Il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites, hein, malheureusement. Et alors il y a un certain nombre de mots dérivés, par exemple dielour, un archiviste, un documentaliste, hein, un dielour. Un dieler, c'est la documentation, hein, tout ce qui concerne les documents qu'on peut utiliser. Alors le verbe aussi dielan, qui veut dire archiver, hein, donc participe passé dieled, hein, voilà. Alors aujourd'hui la notion d'archive a tendance à s'étendre, hein, c'est-à-dire que au départ, les archives, ce sont des choses écrites, hein, Mais il y a aussi des archives sonores, hein. Par exemple, il y a Dastum en Bretagne qui archive des sons, hein. Donc qui aujourd'hui les numérise et qui aujourd'hui les numérise et les met à la disposition des gens sous différentes formes, hein. Donc voilà, des archives sonores. Il y a des archives audiovisuelles aussi, hein. Par exemple, l'INA a des archives sur la télé. Depuis très longtemps, hein, et de temps en temps, on voit des documents comme ça qui ont été filmés il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Alors, ça pose des tas de problèmes de conservation, d'ailleurs, et de transfert de supports, puisque les supports évoluent. Ils vieillissent mal, les vieux supports. Ça, les vieux supports, souvent vieillissent mal. Donc, il faut changer de support à chaque fois qu'il y a une innovation technologique. Donc, on ne sait pas quand s'arrêtera cette course-là, mais hein, c'est vrai que c'est assez difficile. Voilà. Alors, il y a différents types d'archives, hein. Par exemple, j'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai pas parlé des archives notariales, hein, qui sont aussi très intéressantes. Par exemple, dans les archives notariales, il y avait ce qu'on appelle les inventaires après décès, qui permettent de connaître la façon de vivre des gens il y a très longtemps, quoi. Et c'était fait de façon extrêmement précise, hein, avec l'état des objets, voilà. Donc voilà un peu pour les archives, hein, et ma foi, il y a encore beaucoup de travail parce que les archives sont toujours exprimées en mètres linéaires, voire en kilomètres linéaires, quoi. Donc il y a énormément d'archives qui n'ont pas encore été exploitées, quoi. Alors il y a des rats d'archives comme ça qui travaillent d'arrache-pied, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses dans les archives. Et même déjà dans les archives communales, hein, il y a déjà de quoi passer beaucoup de temps, quoi. Voilà. Ben, on a fait un petit peu de tour des archives. Même trop une DLU. Merci Henri. On passe à la deuxième partie d'émission. Brezhoneg t'en m'attend. Et on passe à Brezhoneg t'en m'attend. C'est la seconde partie de cette émission. Hentar Brezhoneg, c'est toujours un dialogue. Un dialogue qui nous amène à Zantolog. Zantolog qui est une commune qui a de la chance. Parce que là, on va parler pêche. Et qu'à Zantolog, il y a le Blavet qui passe. Ah oui, qui a le Blavet entre Zantolog et Plouderien. Mmh. Donc là, on va aller voir Job Gilcher, qui est le meunier de Kermakal. Et qui est aussi un fin pêcheur. Salut Job, Madje. Yash en Ignahoui. Matré. Mais l'arrêt dit, Job, rue est pas d'Arvilin. Ah, ya, pemse glaceau, moi, hadlance, une miline kermakal, vidober bleu de gunis du. Mais goût de randori, pesqueta. Ah, ya, guiré. a prestig vo digor a besketerez. Ya, ben terz un vo digor, ya. A prestor? Ah, ya, preste ar bin zio. Mon eur edo ar blavez da besketa? Ah, zur war vel custum, pe war oaz en ero rouz matrezen, gwellet vo. Chans vat d'or, ne hain job, don eur in da velo da ran or war l'air a diro goradur. Ya, ben, tien a rien tan a hain chanik. Tieno. Eh bien, on va le reprendre, ce dialogue, un petit peu plus lentement, pour mieux comprendre. Voilà. Chanik donc demande à Job, salut Job, ma je. Oui, comme d'habitude. Hein. Voilà, il y a Chanik, Naroui, formule de politesse. Et vous, hein. Matré, mais l'arrêtine Job, oui et pas d'arvilline. Voilà, l'arrêtine Job, hein, dites-moi Job, vous êtes littéralement le gars du moulin. Hein. On pourrait dire un millénaire aussi, mais pas d'arvilline, hein. C'est pas mal. C'est mieux même. Ya, Pemzek Vlasso, meus ad lancet milin kermakal, vidober bleu de Guinis du répond Job. Voilà. Pemzek Vlasso, il y a 15 ans, meus ad lancet milin kermakal, j'ai relancé le moulin de kermakal, et vidober bleu de Guinis du pour faire de la farine de blé noir. Mais Gouderan, or, il est pesquetteur. Mais je sais que vous êtes aussi pêcheur. Oh, ya, Guiré. Ah, ya, Guiré, c'est vrai. Après Stig Vodigor à Besqueteres. Voilà. Après Stig Vodigor, et bientôt sera ouvert Besqueteres la pêche. Donc ce sera l'ouverture de la pêche. Le 13 mars, je crois. Oui, le 13 mars, oui. Ya, ben terz une Vodigoret. Ya, ben terz une Vodigoret. Dans 3 semaines, ce sera ouvert. Après Store, demande Chandy. Voilà. Et vous êtes prêts? Ah, ya. Presté Urban View. Voilà. Oui, les outils sont prêts. Hein. Urban View, donc la gaule, les puisettes, enfin tout. Les hameçons, le fil, les plombs, Bernd Trousseau-Develd. Hein. Ouais. Les flotteurs. Les flotteurs, tout ça. Monderidoire Blaves, la Besqueta, demande Chandy. Oui, Monderidoire Blaves, vous irez sur le Blavet, de Besqueta pour pêcher. Zurwar, vel custum. Voilà. Pévar, Guazin, Erroru, vous connaissez vous. Voilà. Oui, Zurwar, sans doute, comme d'habitude, bien sûr, là, il va rester très évasif. Les pêcheurs ne donnent jamais leur coin. Pewarwaz Nerogrouz, ou bien sur la rivière des Nerogrouz, qui est un affluent, là, qui passe à Pont-de-Gosvinine en bas de Pemrit, là, et qui est la plus belle rivière de Bretagne, hein, d'après Erwan de Brenberg, hein, qui irait. Chance va d'or, ne hein, job, don rin da velo da ranor, war l'air en digora dur. Voilà. Alors, bonne chance, job, don rin de vel ranor, je viendrai vous voir, war l'air en digora dur, après l'ouverture, pour voir, faire le bilan. Qu'il n'y a rien de temps, Chandic. Voilà, qu'il n'y a rien de temps, Chandic. À la prochaine, Chandic. Bon, et c'en est terminé de ce dialogue. On passe à Petra Zonévervro, maintenant. Voilà. Troisième partie d'émission, c'est tu Petra Zonévervro. Kalzedro et Veljus Boervejdiouzan. Krogom de Diantan vel custum, gandolor bourdouar a garvu e war armez. Tramene de bremen, mis sienver a geruom de job a mis huere, huere bian vel are a regoz. Diwa le de huere bian a la realisme mamgoz. Ka guire, redemond betagem mismeurs evit don mez eus ur gwan kalet. Memestra, hiradra un de, tan matan, a mondoran war an tumat, mondoran war an tumat, pelare mat, da la rade war tu en eve amzan. War dach en la bour douar, pa de blad au viltriz, ge vo kom ze kal ze zor pak. Politiker eus bro Europa war dach en la bour douar. Kasi prest e leze en la ko war dro d'or pak evit roer la. Deus dao viltriz ag beta dao vil ugen. Kom ze ve kal zive deus zi kourio ve ro et gant bro Europa, vid gwerzan ki gir skornet mez deus bro Europa jizmat. Hag eus ikour eo ze ve ro et de dreistol a breiz am de stalio ve ildou pet ilis abako hag bon diviz eus obet dizelat deus nantor eus ikour eo ze. Eus ikour eo ze ve l'art restitution nou. Bon, mais déjà, déjà, n'est que d'on dra neve, pu dur babla dao vil pem, ou abe divise et gant bro Europa, di hand gant ar zikour eo ze. A gant se, ze ou abe divise pel zo. Mais d'heureux zo gant ze me mestra. Wardash en ur politiker es kalz heureux zo, ur mar eman gant raktres ou vid hat framan en tiriadou, pez velar din galak, reforme territoriale. Da square, ba gwengam, vo klaske d'ober ur dier neve, Petram an ve klaske d'ober an dier neve, kanek e grehoaz, pel de se, gwen gam bras, gant stag an tout de barouj ou tro ar dro de ven gam, deus gwen gam just mat. Met tout d'un du n'en ke de du gant se, da skwer mer plou vagor, n'en ke de du tan me bet, hag kalz deus e dili enidi av gwellar, chom di eup, an eke boudlon ke gwen gam bras. Gwen evo pe sa mot vo kont. Bastrola de Well, mon tom kont ma meus mod, vel ba kreiz breiz, ba CCKB, vel vela, zo reuz, pu dur, zo ter barouz, hein, plevin treogan a trefrin, zo klasmon de mes, evi mond de boer communauté, de la rade, de voustag, de karez, viz pez zel, de zestrola de parougio. Hag, zuroar vo reuz ganze, a neket gred an trevoaz. Hag babro kreiz breiz, am zo reuz oaz, gwell ar zo lambour vid de politikourien, gant ar hob, pu dur prezident d'ar hob, Michel Morvan, n'eo ket de du, gant pezlar an eo trao troadek zo mer karez, hag an eus oant hat fram ar hob, tro ar dro d'ar garez, hag d'or pez velar d'or skot, hag bon, azezo... trou a zo di hen velon tam, hein, tre Michel Morvan hag nahan hen Christian Troadec. Bon, gwell vo pe sa mod vo kon. Ne la rin ke kal ze dra ou ar dro en ekonomiz, ne la rin man de bet ma meus pe vo lar de trou vel moin, ben ar vegel vo gret. War da chen eus evenadur eus o evel just kal ze dra ou de lar, hein, hein, der mod ve kal ze dra ou hein, war da chen eus evenadur. Divizet zo bet nevezo ober bar, ba kastel neve ar fau, ur mirdi evit ur livour Paul Serruzier. Hag se vo gret bon bremañ. Brudet de tre e Paul Serruzier e breiz, l'er neus beve de neus gret an tamad de zi vu e benefin. Paul Serruzier ne oa ke breizad, hein, grand oa ba Paris, ur bla mileiz kan no a triugen. Hag de berla war nugen oa deut de vreiz, hag azen eus bon de doa ba pondaven, ba pouldu a tro ar dro, hag azen eus an avet livour yonel vel da skouer Paul Gauguin, zo bru de tri ive. Hag krouen en eus ur strola de livourien, zo hanve de re nabi, un nabi ze zo an naun ebrag, vilard diouganer, diouganerien, galak vela profet, hein. Hag deus po Serruzier vi jegret de Nabi Botokwat. Hag bon, o bern trao plij juz neus begret, hein, mi blichtin pe so bet liv gant Paul Serruzier, hag neus gret trao da skouer ba nuel goa da tro ar dro a ba kastel neve ar fao. Hag ba bla no, 1916 a oa dimezet a oa lerzen e chom me kalz ba breiz, pu yon eus zavet on ti ba kastel neve, Hag jusmad ba Castelnevez o deja or straed a zo raun Paul Serruzier. Bon, trovo de gomz de siroas. Dans mon temps, vraiment, war da chen ar brezon nek. Ba behar ou a bet had nevezen nevezo en ti post. A goul zo bet gant beb sortut, vefe bet la ket panel ou diouyezek ba ti post. Mais de bon n'est que bé d'assente d'un drasé et vel juste hein plusieurs jacobines devaient dire mort au hédal hein bon à c'est une vaut que là que tant présent de bé de bâti poste bah béar ouais le raid par un homme sur ce vécret au berne discours y'a un ton de bras ou à identité les braise mais un trou non que gualvonis bah il y joue braise il change un temps mais d'air un grand de présent il me sera ne veut que clève calce draw e brezon ne kien. Skarz e debet ar brezon ne gmez de zon ilijo gant un iliz officiel, jiwaz. Ha gouskoun e an dra zoe zizwar zo bet ar an eveso o lever a verne brezon ne gezo bet de otret gant Vatikan. Setu vo moyen de gant lever a verne pen de ben e brezon ne. Hag an eutra ou moutel zo eskop zambri ag a landre gant bremañ. Un zlar et de wa un ilis du gant ar brezon nek. Tiar te gompren. Un diel zo bet ba teat montourles prijou, zo bet roet prijou vid dazon ar brezon nek. Gant e fer tri hag ofiz ar brezon nek. Hag zo ar peus kled Marie-Hélène Morvan o komp ze ze ba na bad un tud de ze vro. Hag bon, j'on j'al rand ma treize en ovej penek e vo roet ar priz de RKB, pujur, mon RKB labour al tregond lasso war an brezon dek. Mais, ve ke gwar e da ma treize en ovej penek e da vo roet an tan priz de RKB, me mestra. Bon, o ne bablai a ouzo, bon, an de gomp zon tamm deus ur strolad mignon de glad ba gwen gom, hein. Bon, ur plar deus gwen gom Simone Toulet eus obet de présidente de Strolet se pat pel hag un eus gret kalz e draou hein, im ban leverio ou im ban de ur gela ou en mignon de ur glat hag me daupi driblaso ou a chom kouske de ur gevridig es hein, pe so dombaj me mestra hag un deel jusma de webet an envod hag oabet de dilene de Jean-Paul Roland vel président de Gevridiges. Jean-Paul Roland zo an avemad e vel juste ba RKB putur Alice Veclev de ba abad en Jean-Pierre Guyader hein tu te zevro hag lar ar amdan chance vad chance d'or strolat kal se blade nou ve en rôle de preis hein Alice gont an dar de zeur plade nou hein putur ve imban de mur plade nou am preis viva bro France bis da skouer ne vezo zo in bande do ur bladen zav do en rolet gant Jean Baron hag un eus gred ur bladen gant bombard ogro a Ocarina. Ocarina on tamm bint veng bien hag zo bratre de Chilau. Bon, vejenom zo gant an d'art eus un dud ve et de nanan ou jiwaz, hein, disement bu et un dud. Aze moet un an aun Jean-Christophe Cassard zo a istorur an eus labour e kalz war breiz pa de nams ur gren moyen ar ma peus oan hag yo an gwarroaz an ur bla a triugen hag bon o chom balo ki reg o a Jean-Christophe Cassard an eus labour e kalz vel meus lar etar war un istor breiz pa de gren nams ur hag an denel zoet nan an, on e yann poilvet, kos ar oa, hein, pe dio oa pempa perug la, hag an dinz oa gazetener hag in oa gred ur gazeten, krouet ur gazeten ar mor, ba bla no a triugen. Hag zo bet deud mez pemp kan deus ur gazeten ze, pemp kan niveren, a ben e fin, bon, gant an niveren pemp kan et être cuit de gazette hein d'Auville Onec. On dit de ce dinant puis on compte de ce vraiment on tombe de ce scrivaner Christophe Martin il hanno ne se bide un vaisseau prise scrivaner il y en a Huchol vide lever di war ben Simone Morand leur plar ne se bide neus bit da stume calze contadenu deus breizuvel. O leverel, pujant com deus leverio, eus obed scrivet gant Yannick Baron, on den zo sturme pelzo vid an brezonne, hag leverze neus vel haun tant banti, péril en la demeure pour les langues de Bretagne. Hag neus com ze jusma deus pe sa mot, diven an brezonne, ga halze vel an brezonne, hag galowek e breiz. Bon, setu aze un templaz eus pesone ve an vro, kal ze draou ve febe de la a roaz, me poan levnin, kuit al me mestra, hag laver amdar kenavo, tien ar vegel, chilo ean, er kabe. Merci Henri.